Nous sillonnions alors les flots de l'océan Indien, vaste plaine liquide d'une contenance de 550 millions d'hectares et dont les eaux sont si transparentes qu'elles donnent le vertige à qui se penche à leur surface. Le Nautilus y flottait généralement entre 100 et 200 mètres de profondeur. Ce fut ainsi pendant quelques jours. À tout autre que moi, pris d'un immense amour de la mer, les heures eussent sans doute paru longues et monotones. Mais ces promenades quotidiennes sur la plateforme, où je me retrempais dans l'air vivifiant de l'océan, le spectacle de ces riches eaux à travers les vitres du salon, la lecture des livres de la bibliothèque, la rédaction de mes mémoires, employaient tout mon temps et ne me laissaient pas un moment de lassitude ou d'ennui. Pendant quelques jours, nous vîmes une grande quantité d'oiseaux aquatiques, palmipèdes, mouettes ou goélands. Parmi les grands voiliers, j'aperçus de magnifiques albatros aux cris discordants comme un braiement. Les filets du Nautilus rapportèrent plusieurs sortes de tortues marines, du genre carré, à dos bombé et dont l'écaille est très estimée. Quant aux poissons, ils provoquaient toujours notre admiration quand nous surprenions, à travers les panneaux ouverts, les secrets de leur vie aquatique. Du 21 au 23 janvier, Nautilus marcha à raison de 250 lieues par 24 heures. Le 24 au matin, nous eûmes connaissance de l'île Keeling. Mais bientôt, l'île Keeling disparut sous l'horizon et la route fut donnée au nord-ouest, vers la pointe de la péninsule indienne. « Des terres civilisées ?» me dit ce jour-là Ned Land. « Est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo ?»« Non, Ned, non » répondis-je d'un ton très déterminé. « Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe, qui nous y conduise. » Au fond, j'avais à cœur d'épuiser jusqu'au bout les hasards de la destinée qui m'avait jeté à bord du Nautilus. Le surlendemain 26 janvier, nous coupions l'équateur et nous rentrions dans l'hémisphère boréal. Pendant cette journée, une formidable troupe de squales nous fit cortège. Mais bientôt le Nautilus, accroissant sa vitesse, laissait facilement en arrière les plus rapides de ses requins. Le 27 janvier, à l'ouverture du golfe du Bengale, nous rencontrâmes à plusieurs reprises, spectacle sinistre, des cadavres qui flottaient à la surface des flots. C'étaient les morts des villes indiennes, charriés par le Gange jusqu'à la haute mer, et que les vautours, les seuls ensevelisseurs du pays, n'avaient pas encore achevé de dévorer. Mais les squales ne manquaient pas pour les aider dans leur funèbre besogne. Vers 7 heures du soir, le Nautilus à demi immergé navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait être lactifié. Mais, demanda Conseil, monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet, car cette eau ne s'est pas changée en lait, je suppose. Non, mon garçon, et cette blancheur qui te surprend en est due qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires, sortes de petits vers lumineux, d'un aspect gélatineux et incolore, de l'épaisseur d'un cheveu, et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre. Quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieues. Plusieurs lieues ? S'écria Conseil. Oui, mon garçon, et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires. Tu n'y parviendrais pas, car, si je ne me trompe, certains navigateurs ont flotté sur ces mers de lait pendant plus de 40 000. Pour moi, je continue d'observer le phénomène. Pendant plusieurs heures, Nautilus trancha de son éperon ses flots blanchâtres, et je remarquai qu'il glissait sans bruit sur cette eau savonneuse, comme s'il eût flotté dans ces remous d'écume que les courants et les contre-courants des baies laissaient quelquefois entre eux. Vers minuit, la mer reprit subitement sa teinte ordinaire. Mais derrière nous, jusqu'aux limites de l'horizon, le ciel, réfléchissant la blancheur des flots, sembla longtemps imprégné des vagues lueurs d'une aurore boréale.